14.5, activation orale, prononciation, le son I. Écoutez et répétez. Il. Idée. Image. Histoire. Matinée. Mérite. Amérique. Président. Paris. Petit. Midi. Ici. Notez que le son I est très nettement distinct du son E et du son E. Écoutez et répétez. Il, elle, le Berry, le Béret, le Ferry, Léo Ferré. Annie, année. Écoutez et répétez. Le Berry. Le Ferry. La psychanalyse. Vas-y, Yvonne. Notez que le son I est quelquefois représenté par la lettre Y.